بسم الله الرحمن الرحيم. Donc là on va passer à autre chose qui est en rapport avec l'assise de l'imam Malik rahimahullah, Harun al-Rashid fi darsi Malik. Donc Harun al-Rashid qui était le calife à l'époque dans le cours de l'imam Malik. Donc il dit ici قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرأه على الناس فوجه إليه البرمكي فقال مالك أقرئه السلام وقل له إن العلم يؤتى ولا يأتي. Donc هارون الرشيد, il est venu donc d'Irak, de la capitale à Bagdad, à Médine, et il lui est parvenu l'information que l'imam Malik lisait le Muwatta aux gens. Donc il lui a envoyé quelqu'un qui s'appelait Al-Barmaki pour lui demander de venir vers lui, vers le calife. Et Malik lui a répondu, dis salam à Harun al-Rashid et dis-lui al-ilm yu'ta wa la ya'ti. La science, on va vers elle, c'est pas elle qui vient. Fa'atahu al-Barmaki fa'akhbarahu wa kana 'indahu Abu Yusuf al-Qadi. Faqala ya amir al-mu'minin يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك اعزم عليه. Donc quand l'envoyé il est revenu à Harun al-Rashid, il y avait une autre personne auprès de lui, et quand il a entendu ça, il a dit ouais, l'information elle est parvenue en Irak que tu as donné un ordre à Malik et il t'a contredit, donc fais lui quelque chose. فبينما هو كذلك إذ دخل مالك فسلم وجلس فقال له الرشيد يا أبا عامر أبعث إليك وتخالفني. Donc à ce moment-là Malik rentre dans l'assise, parce qu'on a dit Harun il était à ce moment-là en voyage à Médine. Donc Malik rentre dans l'assise et dit le salam et s'assoit, et al-Rashid il lui répond, donc Harun al-Rashid il lui a dit oh Malik, oh Abu Amir, je t'envoie quelqu'un et tu me contredis, c'est-à-dire tu me désobéis. فقال يا أمير المؤمنين أخبر. Donc regardez la réponse. أخبرني الزهري. Ça commence comme ça. أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه قال. Donc il lui a répondu oh chef des croyants, Amir al-Mu'minin, al-Zuhri m'a rapporté selon خارجة بن زيد, selon son père. قال كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Zayd disait, Zayd ibn Thabit, j'écrivais la révélation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin. Donc et j'ai écrit le verset qui lui a été révélé qui dit ceux qui s'assoient parmi les croyants ne sont pas comme ceux qui combattent fi sabilillah. Wa ibn ummi maktum 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul Allah inni rajulun darir wa qad anzala Allah fi fadli al-jihad ma qad 'alimta. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري وقال مي رب ما جف. Donc il dit à ce moment-là il y avait Abdullah ibn Ummi Maktoum qui était un sahabi aveugle, et il a dit au prophète ô messager d'Allah, Allah a descendu à propos du djihad ce verset et moi je suis un homme aveugle. C'est comme s'il voulait dire il se plaint qu'il ne peut pas profiter de ce mérite. C'est comme s'il disait est-ce que je ne vais pas être comme les autres croyants parce que je ne peux pas faire djihad, sachant que je ne le fais pas parce que je suis aveugle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne sais pas. Et Zayd dit à ce moment-là mon crayon il était encore humide, il n'avait pas encore séché. Thumma waqa'a fakhidhun nabi sallallahu alayhi wa sallam ala fakhidhi thumma urmiya ala nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma jalasa faqala ya Zayd uktub ghayra ulid darari. À ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui et sa cuisse est tombé sur celle de Zayd. Et après, quand il s'est réveillé, il s'est rassis, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit Zayd, écrit, Ghayra ulid darari. C'est-à-dire, Allah a révélé à ce moment-là de rajouter dans le verset, sauf ceux qui ont une excuse, darar, c'est-à-dire comme une maladie ou un handicap. Donc ceux-là, ils sont acceptés. S'ils ne peuvent pas faire djihad, ils peuvent quand même être comme ceux qui le font, parce qu'ils ont une excuse pour ne pas le faire. Donc, pourquoi l'imam Malik il dit ce verset-là, à votre avis, à ce moment-là? Quel rapport dans ce hadith avec le fait que Harun al-Rashid, il l'avait appelé pour venir lui dire le Muwatta et lui a dit, moi, je viens pas, c'est à toi de venir l'apprendre. Non. Allah a'lam. C'est pour montrer, qu'est-ce que tu allais dire? C'est pour montrer que al-wahi, la valeur de la révélation. Au point où Allah Azza wa Jalla a fait que quand il révèle quelque chose au prophète, il s'évanouit. Et comme c'est rapporté dans un autre hadith d'un compagnon qui disait que à ce moment-là, le prophète, sa cuisse, elle était sur lui, et c'est comme si on était en train de l'écraser. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Donc c'est comme s'il voulait lui dire, cette révélation, elle est chère. Elle mérite que tu te déplaces pour elle. Ya amir al-mu'minin, harfun wahidun, bu'itha fihi Jibril, wal malaikatu alayhim assalam, min masirati 50 alf am, ala yanbaghi li an u'izzahu wa ujillahu. Donc il a dit, ô chef des croyants, une seule lettre pour laquelle Jibril et les anges sont envoyés de la part d'Allah d'une distance de 500 000 ans, de 50 000 ans, c'est-à-dire une distance qu'on ne peut pas calculer, il dit, ne convient-il pas de ma part que j'honore cette parole, c'est-à-dire la révélation, puisque ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril qui lui commande de le dire. Donc l'imam Malik dit à Harun, ne dois-je pas grandir et respecter et honorer ces paroles alors qu'elles viennent de Jibril qui vient d'une distance de 50 000 ans pour les transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna Allah rafa'aka wa ja'alaka fi hadha al-mawdi'i bi'ilmik fala takun anta awwal man yudhi'u 'izza al-'ilmi fa yudhi'u Allah 'izzak. Il dit, et Allah t'a mis à cette place parce que tu as du savoir, donc ne sois pas le premier à gâcher la valeur de la science, car à ce moment-là, Allah Azza wa Jal te fera perdre ta izza à toi, c'est-à-dire ta valeur et ta place chez les gens. فقام الرشيد يمشي مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ فأجلسه معه على المنصة فلما أراد أن يقرأه على مالك قال لي تقرأه علي؟ قال ما قرأت على أحد منذ زمان. قال فيخرج الناس عني حتى أقرأه عنا أنا عليك. Donc à ce moment-là, Al-Rashid, il est parti, il a marché avec Malik jusqu'à sa maison, et Malik s'est assis avec lui sur Al-Manassa, c'est-à-dire l'endroit élevé à partir duquel Malik dit ses hadiths et fait ses cours. Donc il l'a assis. Donc il a voulu le lire sur Malik, sur l'imam Malik. Il a voulu réciter le Muwatta sur l'imam Malik. Et à ce moment-là, il a dit à l'imam Malik, toi tu veux pas le lire sur moi? Et Malik lui a répondu, il y a longtemps que je n'ai pas lu les gens, que je n'ai pas lu le Muwatta devant quelqu'un. Alors Harun al-Rashid, il lui a dit, est-ce que les gens peuvent sortir pour que moi je le récite devant toi? Faqala, inna al-ilma idha muni'a min al-ammati li ajli al-khassa lam yanfa'illahu bihi al-khassa. Et il lui a répondu, la science, quand on en prive les gens du commun pour les gens, pour le khassa, c'est-à-dire pour les nobles, les aristocrates, on réserve cette science aux aristocrates, Allah ne fait pas profiter de cette science à ces gens nobles. C'est-à-dire, les gens du commun seront privés, mais Allah il va faire que cette science elle n'est pas bénéfique à celle pour qui on l'a réservé, à ceux pour qui on l'a réservée. Comme si on la réserve pour des riches ou des notables, des nobles, des aristocrates, etc. Donc qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Si tu le récites, tu vas le réciter devant tout le monde. Ça ne doit pas être privé. Ça on peut en retirer, puisque beaucoup qui se réclament de l'imam Malik, ils sont dans ce qu'on appelle le Turuq al-Soufiya. Et le Turuq al-Soufiya, les confréries soufis, ils ont ce truc de différencier entre le Khassa et l'Amma. Et bien lisons cette parole de l'imam Malik sur ce qu'il dit sur le Khassa et l'Amma, et après on continuera le débat sur le fait que certains ont reçu une science du prophète que d'autres n'ont pas reçue, hein, qui n'est pas disponible à tout le monde. Lisez cette parole de l'imam Malik rahimahullah. فأمر معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه فقال مالك لهارون يا أمير المؤمنين أدركت أهل العلم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع فنزل هارون عن المنصة وجلس بين يديه وسمعه. Donc ensuite Malik il a ordonné son élève, donc Isa ibn Ma'n al-Qazzaz, un des grands élèves de l'imam Malik, pour le lire sur, pour réciter le Muwatta à Harun. Mais avant, l'imam Malik lui a dit, ô chef des croyants. Donc regardez l'imam Malik, comment il gardait toujours le respect avec le calife, avec le gouverneur. Il ne l'appelait pas Harun, il l'appelle Amir al-Mu'minin. Il donne le respect à chacun. Il l'appelle ô chef des croyants. Il lui a dit, j'ai connu les gens de science dans notre pays. ils aimaient at-tawadu', ils aimaient se rabaisser, ils aimaient la modestie. C'est-à-dire, il lui a fait comprendre. Et à ce moment-là, Haroun, il est descendu de la chair pour s'asseoir devant. Devant Issa ibn Ma'an qui lui récite al-Muwatta. Donc regardez comment l'imam Malik, il a appris, hein, ad-daba al-khalifa. Il a éduqué le calife. Tawqiruhu li hadith al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, un autre point, c'est le respect qu'avait l'imam Malik pour les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن فرحون فإذا جلس للفقه جلس كيف كان وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد بخشوع وخضوع ووقار ويبخر المجلس بالعود من أوله فلا يزال يبخر إلى فراغه تعظيما للحديث. يدي ابن فرحون raconte que l'imam Malik, quand il parlait du fiqh, c'est-à-dire le fiqh pur, entre guillemets, les questions, est-ce que ceci est halal, est-ce que ceci est haram, les conditions de ceci, etc. Et il le faisait dans la position dans laquelle il se trouvait. Mais quand il voulait s'asseoir pour le hadith, il se lavait, il mettait du parfum, il mettait des nouveaux vêtements, il mettait un turban, et il s'asseyait avec crainte, avec sérénité, et il parfumait avec le oud, il parfumait l'assise du début à la fin de l'assise. C'est-à-dire tout le long de l'assise, c'était, il y avait l'oud qui parfumait la salle. Tout cela par respect pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال مطرف كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل. Donc un autre élève raconte que l'imam Malik, quand les gens venaient chez lui, il avait une jeune esclave donc qui sortait et qui disait aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Le cheikh vous demande, est-ce que vous voulez le hadith ou le masail? Masail, c'est-à-dire les questions de fiqh. فَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلِ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَأَفْتَاهُمْ. Donc s'ils disaient on veut le fiqh, on veut le masail, les questions de jurisprudence pure, ils sortaient et ils leur disaient le fatwa, ils répondaient à leurs questions. وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيثِ قَالَ لَهُمْ اِجْلِسُوا وَدَخَلَ مُغْتَسَلَهُ فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه قلنسوة طويلة. S'il disait par contre on est venu pour le hadith, alors il disait asseyez-vous. Il allait se laver, il mettait du parfum, des nouveaux vêtements, un turban et il mettait une قلنسوة, c'est-à-dire une sorte de grosse taqiyya, une longue, c'est-à-dire il mettait les plus beaux vêtements qui étaient connus à son époque, si c'était pour raconter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال خالد بن نزار سألت مالكا عن شيء وكان متكئا فقال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ثم استوى جالسا وتجلل بكساه فقال أستغفر الله فقلت له في ذلك فقال إن العلم أجل من ذلك ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. Un élève de l'imam Malik raconte, il dit j'étais avec l'imam Malik et je lui ai posé une question, il était accoudé. Il n'était pas assis, il était allongé sur son coude. Et il commence à dire sa réponse en disant « Yahya ibn Sa'id nous a raconté que Sa'id ibn al-Musayyib a dit. » Et après il s'est arrêté, il s'est remis assis et il a dit « Astaghfirullah ». Donc son élève, il lui a posé la question « Pourquoi tu demandes pardon à Allah ?» Il dit « La science, al-ilm ajallu min dhalik. » C'est-à-dire la science, elle mérite mieux que ça. Je ne dois pas raconter un hadith en étant accoudé. « Wa qala ibn Mahdi » مشيت مع مالك يوما إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني وفي رواية فالتفت إلي وقال لي كنت في عيني أجل من هذا أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. Là c'est Abdul Rahman ibn Mahdi, un des imams du hadith, rahimahullah, il dit je marchais avec l'imam Malik en sortant de la mosquée vers Al-Aqiq et je lui ai posé la question en marchant sur un hadith. Et il m'a regardé, et c'est-à-dire il lui a montré la réprobation. Et il lui a dit, à mes yeux, tu valais mieux que ça. C'est-à-dire, tu avais plus de valeur à mes yeux que ce que tu viens de faire. Est-ce que tu me poses une question sur un hadith alors qu'on est en train de marcher ? فَقُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا وَقَدْ سَقَدْتُ مِنْ عَيْنَيْهِ. Et il s'est dit, lui, Abdur Rahman, il dit, إِنَّا لِلَّهِ, c'est-à-dire il regrette, il dit, je vois que je viens de perdre de la valeur aux yeux de Malik. فَلَمَّا قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ بعدت منه فقال أدنها هنا فدنوت فقال قد ظننت أن أدبناك تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي سل عما تريد ها هنا. Donc ensuite, quand ils sont repartis à l'assise de l'imam Malik, Abd al-Rahman dit, je me suis assis loin de lui. C'est-à-dire maintenant, il avait honte. Et l'imam Malik lui a dit, rapproche-toi. Approche-toi d'ici. Et il lui a dit, Vanantu annana ad-dabnak. Il dit, je pensais t'avoir bien éduqué. Il dit, tu oses me poser la question sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que je suis en train de marcher. Il lui a dit, maintenant que tu es assis ici, pose ta question. Ça, c'était le respect de l'imam Malik rahimahullah pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو مصعب وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فقيل له إنه قاضي فقال القاضي أحق أن يؤدب وحبسوه فحبس إلى الغد. أبو مصعب, donc un des rapporteurs aussi, أبو مصعب الزهري du Muwatta, raconte que un certain Jarir ibn Abd al-Hamid al-Qadi, donc un juge, est venu poser une question à l'imam Malik sur un hadith, et lui il était debout, le juge. Donc l'imam Malik, quand il a vu ça, il a ordonné aux autorités qu'on l'emprisonne. Et les gens ils lui ont dit, oui mais c'est le juge. Il lui a dit, le juge mérite plus qu'on le corrige. Et donc il a été emprisonné jusqu'au lendemain, c'est-à-dire une journée, l'équivalent de 24 heures, pour lui apprendre quoi? Le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point dans la vie de l'imam Malik, c'est son amour et son respect pour la ville de Médine. ذكر ابن خالد كان قال كان مالك لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه ويقول لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة. Ibn Khalid Khan rapporte que l'imam Malik ne montait pas sur une monture dans la ville de Médine. Et pourtant, même quand il était devenu vieux et faible. Et il disait, je ne peux pas monter sur une monture dans une ville dans laquelle il y a la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est enterrée. Donc bien sûr, ça, on n'en retire pas un hukm shari'i, c'est-à-dire un jugement religieux. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de monter une monture à Médine. Et tous les autres ulama le faisaient et le font jusqu'à maintenant. Mais parfois, une personne, elle peut détester une chose. Et c'est personnel. Tellement elle a le haya, elle a de la pudeur, elle a du respect, elle peut s'éloigner d'une chose qu'elle voit pour elle être mauvaise. Mais ça ne veut pas dire que c'est détestable ou que c'est interdit. Il faut bien comprendre ça. ولما قدم المهدي المدينة بعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة مع الربيع فلما خرج من عنده قال يا جارية لا تمسي هذا المال فإني تفرست حين نظرت وجه الربيع ورأيت فيه أمرا منكرا. Donc il y a une autre histoire par rapport à la ville de Médine. Un des émirs qui s'appelait le Mahdi, quand il est venu à Médine, il a envoyé 2000 ou 3000 dinars, c'est-à-dire des pièces d'argent, à Malik. Et quand elles sont arrivées chez lui, cette somme, il a dit à la jeune fille, c'est-à-dire soit sa servante ou sa fille, il lui a dit ne prends pas cet argent. Il lui a dit car tafarrast. Il dit, j'ai deviné dans le visage de Rabi'a, et Rabi'a c'est celui qui est venu de la part du Mahdi pour donner l'argent à Malik, l'envoyé de l'émir. Il lui a dit, j'ai vu dans son visage quelque chose, et je devine que cet argent il a une cause. Il ne l'a pas donné pour rien. فَلَمَّا حَجَّ الْمَهْدِي وَقَدِمَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ الرَّبِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَأُكَ السَّلَامُ وَيُحِبُّ أَنْ تُعَادِلَهُ إِلَى مَدِينَةِ السَّلَامُ. Donc après, quand Al-Mahdi, l'année d'après, il est venu au pèlerinage, il est venu à Médine. Et Al-Rabi'a, donc l'envoyé du calife, il est venu une deuxième fois voir Malik et lui a dit, donc le calife te dit, je ne sais plus si c'est un calife ou un émir, il lui a dit, il te dit le salam, et il te demande de le rejoindre pour habiter dans la ville de Al-Salam. Donc c'était ça la cause. Il lui a fait un cadeau pour après lui demander de le rejoindre dans sa ville, pour déménager. فقال مالك اقرا على امير المؤمنين السلام. مالك lui a répondu, donc répond à امير المؤمنين, donc c'était le calife, répond lui le salam de ma part. وقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. Il lui a dit, dis lui que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Médine est mieux pour eux si seulement il savait. والمال عندي على حاله أخرجيه يا جاريها يا جاريا أخرجيه. Et il lui a dit, et l'argent, il est encore là. Et il a dit à la jeune fille, sors l'argent. فأبى الربيع أن يقبله فلم يزل به مالك حتى أخذه فأتى الربيع المهدي فغمه رد المال. Donc Rabi, il n'a pas voulu reprendre l'argent. Mais l'imam Malik a tellement insisté que Rabi, l'envoyé du calife, il a repris quand même l'argent. Et quand il est venu voir le Mahdi, il était triste que l'imam Malik, il a refusé cette demande et il a refusé l'argent. فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ رِحْلَتِهِ شَيَّعَهُ النَّاسِ فَوَصَلَهُمْ وَوَجَّهَ إِلَى مَالِكِ فَوَدَّعَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ لَهُ بِشَيْءٍ فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ وَجَّهَ لَهُ 6000 دِينَارٍ فالتفت إلى من كان حاضرا وقال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. Et quand il était venu le temps pour Mahdi de repartir, donc les gens sont venus lui dire au revoir, et lui a dit au revoir à Dieu, à l'imam Malik, et il lui a rien, et c'est-à-dire il lui a rien confié, comme c'était l'habitude, qu'avant de partir il va lui donner par exemple autant d'argent, et là il a rien donné. Et une fois que l'imam Malik est rentré chez lui, le calife il a envoyé 6000 dinars, donc le double. Et l'imam Malik il a regardé ceux qui étaient autour de lui, il a dit, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de mieux. Parce qu'il savait que ces 6000 là, ils n'étaient plus pour une demande, puisque ça, et ça y est, il a refusé. Un autre point, c'est le rapport entre l'imam Malik et les gouverneurs, donc que ce soit le calife ou les émirs des différentes régions. كان الإمام مالك زاهدا عن الدنيا والحكام ومع ذلك كان يرى أن لا يقطع صلته بالخلفاء والأمراء لأنه يرى من الواجب عليه إرشادهم وإصلاحهم. Donc l'imam Malik était quelqu'un d'ascète qui se passait de la vie d'ici-bas et qui était loin des gouverneurs. Mais il voyait qu'il ne devait pas couper les ponts avec le calife et avec les émirs, parce qu'il voyait qu'il lui était obligatoire d'orienter et de conseiller les émirs. وقد وجد أن وعظ هؤلاء يذهب ببعض ما يقعون فيه ويقلل من شرهم وربما حملهم على الصلاح المطلق وصار منهم مثل عمر بن عبد العزيز. Et il voyait l'imam Malik que le fait d'exhorter ces gens qui sont les gouverneurs, ça diminuait le mal qu'ils pouvaient faire. Et même pour certains, ça les rendait parmi les gens de la piété, comme c'était le cas de Omar ibn Abdel Aziz. لذلك كان يدخل على الأمراء والخلفاء ويعظهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الخير. Donc c'est pour ça qu'il allait souvent voir les émirs et les gouverneurs pour les exhorter et leur montrer le bien. وكلما كبر في نظر الناس زادت رغبته في الموعظة. Et plus sa réputation grandissait, plus il avait envie d'aller voir ces gens pour les exhorter. وكان يدعو العلماء إلى الدخول على ذوي السلطان لدعوتهم إلى الخير. Et l'imam Malik invitait les différents savants à aller chez les gouverneurs pour les appeler au bien. وكان يقول حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر حتى يتبين دخول العالم على غيره فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل. Et il disait l'imam Malik, c'est un droit, hein, ou plutôt c'est un devoir de chaque musulman à qui Allah a mis dans sa poitrine quelque chose de la science et du fiqh, qu'il aille voir les gens du pouvoir pour leur ordonner le bien et leur interdire le mal, jusqu'à ce que l'entrée du savant chez ces personnes soit distinguée des autres personnes. Et s'il le fait, alors c'est al-fadl. C'est-à-dire c'est un mérite après lequel il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire il voyait que c'était une grande action, une grande œuvre de faire ça. وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُ تَلَامِذِهِ النَّاسُ يَسْتَكْثِرُونَ أَنَّكَ تَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِالْحَمْلِ مِنْ نَفْسِي وَذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا اسْتُشِيرَ مَنْ لَا يَنْبَغِي. Et un des élèves de l'imam Malik une fois lui a reproché, pas reproché mais il lui a dit, les gens trouvent que tu vas trop chez les gouverneurs. Et il lui a dit, sache que je le fais contre mon propre gré. Et je le fais parce que peut-être il demandera conseil à des personnes qui ne sont pas bonnes. Donc il préfère aller lui leur recommander le bien avant qu'eux ils se tournent vers des gens qui ne sont pas convenables. فهو يحمل نفسه عناء الذهب ويغلظ عليها ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكان يرى الواجب عليه النصح لهم وكان يقول لولا أني آتيهم ما رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة سنة معمولا بها. Donc il voyait qu'il lui était obligatoire d'aller chez ces gens et il supportait le fait d'aller les voir, il patientait et il disait si je n'allais pas chez eux je ne pense pas que j'aurais vu une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquée dans cette ville. وكان الأمراء يعرفون مكان الإمام في العلم حتى كان أبو جعفر يطلب منه رأيه في ولاته على الحجاز. Et les différents gouverneurs connaissaient le grade de l'imam Malik et le respectaient. Et Abu Ja'far, qui avait une certaine intimité avec l'imam Malik, lui demandait conseil par rapport aux gens qu'il plaçait dans les différentes régions. قال له في ذلك إن رابك ريب من عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد من عمال الحجاز في ذاتك أو ذات غيرك أو سوء أو شر بالرعية فاكتب إلي بذلك. Donc il dit que Abu Ja'far disait à l'imam Malik, si tu as un doute sur le gouverneur de Médine ou le gouverneur de Mecca ou un des gouverneurs que j'ai placés dans la région du Hijaz, en ce qui concerne ta personne ou en ce qui concerne autrui ou en ce qui concerne un mal qu'ils font au peuple, alors écris-moi à ce sujet. Unzil bihim ma yastahiqqun, je les punirai comme il se doit. وقد كتبت إلى عمالي بهذا أن يسمعوا منك. Et j'ai écrit à mes différents gouverneurs que j'ai placés de t'écouter. ويطيعوا في كل ما تعهد إليهم. Et de t'obéir dans tout ce que tu leur commanderas. فنههم عن المنكر وأمرهم بالمعروف. Donc interdis-leur le mal et commande-leur le bien. تؤجروا على ذلك وأنت حقيق أن تطاع ويسمع منك. Et tu seras récompensé pour cela, et tu mérites qu'on t'obéisse et qu'on t'écoute. Donc ça, c'était le respect de Abu Ja'far, le calife pour l'Abbasi, pour l'imam Malik. وَعْظُهُ لِلْخُلَفَاءِ وَالْحُكَّامِ. Un autre point, c'est les exhortations et les conseils de l'imam Malik pour justement les gouverneurs. كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه وحث على مصالح المسلمين قال الحنيني سمعت مالكا يحلف بالله ما دخلت على أحد منهم يعني السلاطين إلا أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحق. Donc Malik rentrait chez les gouverneurs et leur faisait des exhortations et al-Hunayni disait j'ai entendu l'imam Malik jurer par Allah je ne suis jamais rentré chez un des gouverneurs sans qu'Allah fasse partir de mon cœur la crainte que j'ai pour lui. Jusqu'à ainsi, je lui ai dit la vérité à chaque fois. ومن ذلك قوله لهارون الرشيد لقد بلغني أن عمر بن الخطاب في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت القدور ويخرج الدخان من لحيته وقد رضي الناس منكم بدون هذا. Et parmi ces exhortations, il a dit à Harun al-Rashid, il m'est parvenu que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, à son époque, pendant l'année où les gens ont connu la faim, il soufflait lui-même dans les cendres pour chauffer les marmites, à tel point que les cendres, elles pénétraient dans sa barbe. C'est-à-dire, il rappelle à Harun al-Rashid comment Omar ibn al-Khattab était modeste et s'occupait de son peuple. Et il lui a dit à la fin, وَرَضِيَ النَّاسِ مِنْكُمْ بِدُونِ هَذَا. Et les gens, ils se contenteront de votre part de moins que ça. C'est-à-dire, on n'attend pas que vous en fassiez autant, mais il lui exhorte la modestie. وَقَالَ لِبَعْدِ الْوُلَاتِ تَفَقَّدْ أُمُورَ الرَّعِيَّةِ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ هَلَكَ جَمَلٌ بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ ضِيَاعًا لَظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ يَسْأَلُنِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et il a dit à un autre gouverneur, il lui a dit, occupe-toi des affaires de ton peuple, car tu seras questionné à leur sujet. Et Omar ibn al-Khattab disait, par celui dans la main de qui est mon âme, si un chameau périssait au bord de l'Euphrate, c'est-à-dire du fleuve de l'Euphrate, alors je pense qu'Allah me questionnerait à son sujet au jour du jugement. Donc il exhortait les différents gouverneurs avec ce que faisait Omar. Donc j'avais souligné une des exhortations de l'imam Malik, celle que, qui sera après dans, dans une lettre qu'il a écrite. Ici il y en a une autre où il dit ici نظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع أبو جعفر صوته فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد إن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم وذم قوما فقال إن الذين ينادونك وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر. Une autre histoire, c'est avec, toujours avec Abu Ja'far al-Abbasi, qui a eu une discussion avec l'imam Malik dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a élevé la voix au-dessus de celle de l'imam Malik. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui a répondu: ô chef des croyants, n'élève pas ta voix dans cette mosquée, car Allah a corrigé certaines personnes en leur disant: n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et il a vanté d'autres personnes en disant: ceux qui baissent leur voix auprès de celle du prophète, dans Surat al-Hujurat. Et il a blâmé d'autres personnes en disant: ceux qui élèvent la voix de derrière les appartements du prophète. Donc, et il lui a dit ensuite: le respect du prophète quand il est mort, c'est comme quand il est vivant. C'est-à-dire, il est respectable et vénérable autant mort que vivant. Et alors Abu Ja'far il s'est calmé quand il a entendu cette exhortation de l'imam Malik. Un autre point dans la vie de l'imam Malik, c'est Al-Mihna. Comme pour l'imam Ahmed, donc l'imam Ahmed c'est un peu plus connu, mais l'imam Malik aussi, rahimahullah, a eu sa Mihna, c'est-à-dire sa grande épreuve. كانت التيارات السياسية في عهد الإمام كثيرة هي التي اضطرت الإمام أن يتحفظ ولهذا وصف مالك بأنه كان أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتا متحفظا بلسانه من أشد الناس مداراة للناس. Donc il y avait beaucoup de troubles politiques à l'époque de l'imam Malik, ce qui fait que l'imam Malik se préservait. Il ne se dévoilait pas trop aux gens et il était quelqu'un qui se taisait beaucoup, il gardait beaucoup le silence et il faisait très attention à ce qu'il disait. Et il gardait toujours une certaine distance avec les gens. مع هذا نزلت به محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر المنصور وقد اتفق المؤرخون على نزول هذه المحنة وأكثر الرواة على أنها نزلت سنة 46 ومئة وقيل سنة 47 ومئة. Et malgré tout ça, une épreuve a touché l'imam Malik à l'époque de Abu Ja'far al-Abbasi, donc à l'époque du califat de Abu Ja'far al-Abbasi. Mais on va voir qu'Abu Ja'far, il n'a rien eu à voir dans cette épreuve. C'est un émir qui a fait du tort à l'imam Malik. Et les historiens disent que cette histoire s'est passée en 146 ou 147. Donc à ce moment-là, l'imam Malik avait dépassé l'âge de 50 ans. Donc les historiens, ils ont divergé à propos de la cause de cette épreuve qu'a vécu l'imam Malik. Donc certains ont dit que la cause, c'est que l'imam Malik, ouvertement, contredisait Abdullah ibn Abbas, donc Abdullah ibn Abbas qui était un compagnon, il n'était pas vivant. Et il le contredisait dans le point que Abdullah ibn Abbas déclarait licite Zawaj al-Mut'a, le mariage de jouissance, comme le font les chiites. Donc parce que le texte, tout simplement, qu'il l'interdit, ne lui était pas parvenu. Et l'imam Malik, donc, contredisait Abdullah ibn Abbas et expliquait ce qu'était la sunna et comme quoi le mariage de Mut'a est interdit en islam. Et donc ça ne plaisait pas aux gouverneurs, puisqu'ils étaient Abbasiyin, ils étaient descendants de Abdullah ibn Abbas. Ça, c'est une des thèses. Une autre thèse, c'est que l'imam Malik considérait que Uthman est meilleur que Ali. Et ça, c'est le madhab de Ahl Sunnah wa Jama'a. Et ça n'a pas plu à beaucoup de descendants d'Abu Talib, donc de Ali, qui étaient à Médine. Et donc, ils auraient tourné les gouverneurs contre l'imam Malik. Mais la thèse la plus sûre, c'est en fait le fait que l'imam Malik transmettait le hadith qui dit « Laysa ala mustakrahin talaq » Il n'y a pas de divorce pour quelqu'un qui a été contraint. C'est-à-dire celui qu'on a contraint au divorce, son divorce il n'est pas valable. Et à ce moment-là, le chef de Médine, c'était un certain Ja'far, qui était le cousin du calife. Et donc les gens disaient à aller le voir, les gens du gouvernement, les employés, allaient voir ce Ja'far et lui disaient « Malik dit que il n'y a pas de divorce, c'est-à-dire le divorce de celui qu'on a contraint, ne compte pas. » وَهَذَا مَا مَعْنَاهُ أَنَّمَا أَبْرَمْتُمُوهُ مِنْ بَيْعَةِ النَّاسِ بِلِسْتِقْرَى يَنْقُدُهُ مَالِكٌ بِفَتْوَى Et donc eux, ils disaient, ces employés, ils disaient à l'émir, donc pas au calife, mais à l'émir de Médine, ça veut dire que Malik considère que quand tu as forcé les gens à te prêter serment, eh ben ce serment, il ne compte pas. Ils ont fait un faux qiyas pour retourner l'émir contre l'imam Malik. Donc l'imam Malik lui disait, si on contraint quelqu'un à divorcer sa femme, le divorce ne passe pas. Et eux, ils ont inventé que l'imam Malik voulait dire par là que comme les Abbasides avaient forcé les gens à leur prêter serment, et ils avaient pris le pouvoir par la force, eh ben leur pouvoir ne comptait pas. Alors que c'est faux, puisque l'imam Malik c'était un sunni. Même si quelqu'un prend le pouvoir par la force, les musulmans doivent accepter et lui obéir. Donc, Ja'far, donc pas Ja'far al-Mansour, pas le calife, mais l'émir, qui s'appelait lui-même Ja'far, a voulu attraper Malik. Donc il a envoyé des gens, avant de se précipiter, il avait peur des reproches des gens, il a envoyé des gens demander à Malik qu'est-ce qu'il pensait donc de ce hadith, et qu'est-ce qu'il disait. Et Malik, il a dit franchement le hadith, que celui qui divorce parce qu'il est contraint, il n'a pas de... Son divorce ne compte pas. Donc alors Ja'far a demandé à Malik de venir pour qu'il prête serment. Et Ja'far il s'est mis en colère contre Malik, donc avant même que quoi que ce soit ne se passe, et il lui a enlevé ses vêtements et il l'a fait fouetter. Et on lui a étendu, donc on l'a, comment on appelle ça, écartelé jusqu'à ce que ses épaules elles se déboîtent. Donc il ne pouvait plus après tenir ses bras, l'imam Malik. Et il lui a fait énormément de souffrance. Mais ça n'a fait qu'augmenter chez les gens la réputation de l'imam Malik. Et le cheikh ici dit, c'est comme si les coups de fouet qu'on lui a mis, c'était des bijoux par lesquels on l'a décoré. Parce que ça a fait grandir sa réputation chez les gens. Donc certains disent qu'il a été fouetté 30 fois, d'autres ont dit jusqu'à 100 fois. Et en tout cas, ses mains elles ont été tendues jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus tenir ses mains. C'est-à-dire ses mains... Après ça, elle tombait. Il pouvait même plus remettre son manteau comme il le voulait. Et les gens de Médine, quand ils ont vu leur imam et leur shir subir cette épreuve, ils ont commencé à être en colère contre les Abbasides. Et les gouverneurs, ils ont commencé à sentir ce sentiment chez la population. Donc, Ja'far, le calife al-Mansour, Abu Ja'far al-Mansour, lui qui n'avait rien à voir, qui n'était même pas au courant, quand il a appris ça, il s'est mis en colère et il n'a pas été satisfait de ce qui est arrivé à l'imam Malik. Et il a envoyé une lettre à l'imam Malik, ou plutôt il l'a convié, et il lui a dit, c'est-à-dire on résume l'histoire que l'imam Malik lui-même a racontée, et il lui a dit donc qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire, et il lui a dit que je ferai venir de Médine jusqu'à l'Irak ceux qui t'ont fait ça, je vais les emprisonner et je vais leur faire un châtiment qu'il mérite. Fakultu, donc là c'est l'imam Malik qui raconte, Afa Allahu Amir al-Mu'minin wa akrama mathwa. Il lui a dit qu'Allah donne, donc, qu'Allah protège le commandeur des croyants, c'est-à-dire il lui remercie en lui faisant dua, et qu'Allah t'honore. Qad afautu anhu li qarabatihi min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qarabatihi minka. Qala fa'afa Allahu anka wa wasalak. Et l'imam Malik, quand Abu Ja'far lui a dit « Je vais lui faire pire que ce qu'il t'a fait », il lui a dit « Je lui pardonne parce que c'est un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parce que c'est un proche de toi. » Parce que c'est un Abbasi. Donc il descend de qui ? De Abbas. Donc c'est un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même des siècles après, mais l'imam Malik, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Je pardonne à cette personne. » parce qu'il descend de Abbas. Et aussi parce que c'est un de tes proches. Et donc Abu Ja'far a laissé tomber la punition de son cousin Ja'far. Donc il y a plusieurs histoires comme ça qui racontent que à chaque fois, l'imam Malik il disait à chaque fois qu'il était fouetté, il disait c'est pardonné. C'est-à-dire il disait je les pardonne à chaque fois. Un autre point dans la vie de l'imam Malik, c'est toujours en ce qui concerne les gouverneurs, c'est les lettres qu'il faisait envers les gouverneurs. Donc il ne faisait pas seulement d'aller les voir, mais en plus il leur envoyait des lettres pour les exhorter. Donc ici il y a une longue lettre qui est citée. Moi j'en ai choisi une plus petite où il a dit à un des califes, il lui a envoyé une lettre où il a dit I'alam anna Allah ta'ala qad khassaka min maw'idati iyaka bima nasahtuka bihi qadiman. وبينت لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادة وأمرا جعل به سبيلك إلى الجنة. Donc il dit à cet émir, sache qu'Allah Azza wa Jal t'a spécifié par le fait que je t'ai exhorté depuis longtemps déjà. Et j'espère qu'Allah a fait de cela, de cette exhortation que je t'ai faite, une cause du bonheur pour toi et une cause pour que tu rentres au paradis. فلتكن رحمنا الله وإياك فيما كتبت إليك مع القيام بأمر الله وما استرعاك الله من رعيته فإنك المسؤول عنهم صغيرهم وكبيرهم. Il dit donc j'espère que tu seras, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à toi-même, que tu suivras l'ordre d'Allah Azza wa Jal dans la responsabilité qu'il t'a donnée grâce à l'exhortation que je t'ai faite, car tu seras questionné à leur sujet, c'est-à-dire au sujet du peuple, les petits parmi eux et les grands. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ensuite il lui a dit dans la lettre, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit chacun d'entre vous est un responsable, ou plutôt est un berger, et chaque berger sera questionné sur son troupeau. C'est-à-dire chacun d'entre vous est responsable et sera questionné sur les gens sur qui il a responsabilité. وروي في بعض الحديث انه يؤتى بالوالي ويده مغلوله الى عنقه فلا يفك عنه الا العدل. Et il a été rapporté dans un hadith que les responsables seront ressuscités avec leurs mains accrochées à leur cou, et seule l'équité délivrera leurs mains de leur cou. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله ان هلكت سخلة بشتى الفرات ضياعا لكنت ارى ان الله تعالى سائل عنها عمر. Et il lui a dit, sache que Omar disait, si un chameau meurt au bord de l'Euphrate, je crains que Allah me demandera à ce sujet. وحج عمر رضي الله عنه عشر سنين وبلغني انه كان ما ينفق في حجته الا 12 دينارا. Il lui a dit, sache que Omar a fait le pèlerinage pendant 10 ans, et il m'est parvenu qu'il n'a dépensé pendant son pèlerinage que 12 dinars, que 12 pièces d'argent. وكان ينزل في ظل الشجر. Et il s'hébergeait dans l'ombre des arbres, c'est-à-dire il ne descendait pas chez dans une auberge ni quoi que ce soit. ويحمل على عنقه الدرة ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنه. Et il portait sur son épaule son bâton et tournait yarhamukallah, il tournait dans les marchés pour demander la situation et questionner les gens à propos de ceux qui sont présents et de ceux qui sont absents. Donc c'est-à-dire que Omar, quand il portait le bâton, c'était pour surveiller et pour corriger et arranger la sécurité des gens qui étaient sous sa responsabilité. وبلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال المغرور من غررتموه لو أنما على الأرض ذهب لافتديت به من أهوال المطلع. Et quand il est mort, les compagnons du prophète sont venus le voir, c'est-à-dire Omar. Et il leur a dit, et ils ont commencé à lui faire des éloges. Et il leur a répondu, celui qui est trompé, c'est celui que vous avez trompé. C'est-à-dire à propos de lui-même. Et si tout ce qui était sur terre était de l'or, j'essaierai de me racheter par cet or des catastrophes du jour du jugement. فعمر رضي الله عنه كان موفقا مع ما قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم مع هذا خائف لما تقلد من أمور المسلمين. Donc il lui a dit, regarde comment Omar, Allah lui a donné le succès, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il était parmi les gens du paradis, et malgré cela il craignait à cause des responsabilités qu'il avait sur les musulmans. فَكَيْفَ بِمَنْ قَدْ عَلِمْتَ. Donc qu'en est-il de qui tu sais, c'est-à-dire qu'en est-il de toi. فَعَلَيْكَ بِمَا يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ أُسْوَةً بِمَا قَدْ مَضَى مِنْ سَلَفِكَ. Donc il lui a dit, tu dois suivre ce qui te rapproche d'Allah comme exemple de tes ancêtres. وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدِّمْهُ حَيْثُ هَمَمْتَ. Il lui a dit, tu dois craindre Allah et mettre cette crainte en priorité avant de faire ce que tu as envie de faire. وَتَطَّلِعَ فِي مَا كَتَبْتَ بِهِ كَتَبْتُ إِلَيْكَ كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي أَوْقَاتِكَ كُلِّهَا. Il lui a dit, et lis souvent, donc dans tous tes instants et dans toutes tes heures, lis ce que je t'ai écrit. وَخُذْ نَفْسَكَ بِتَعَاهُدِهَا وَالْأَخْذُ بِهِ وَالتَّأْدِيبُ عَلَيْهِ. Et fais que ton âme suive ses commandements et corrige-toi selon ses commandements. Donc là, c'est un petit peu dur à traduire. وَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالرَّشَادِ إِنْشَاءَ تَعَالَى. Et demande à Allah la réussite et la droiture, inshallah. Donc ça, c'est un des exemples des lettres que l'imam Malik a fait à un des émirs de son époque. مَهَابَتُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Donc un des points aussi dans la vie de l'imam Malik, c'est le mahaba, c'est-à-dire la crainte qu'il inspirait chez les gens. Il y a un mot pour le mahaba en français, mais je l'oublie toujours. Le fait qu'une personne avait une personnalité, c'est pas le charisme, mais ça y ressemble. Minas sifati, il y en a un mot précis, mais je l'oublie. Minas sifati allati wahabahu Allah al-imam malikan al-mahaba, faqad tawatarat al-akhbar wa istafadat fi mahabatihi. Donc il dit, c'est un don qu'Allah a fait à l'imam Malik, et il y a beaucoup de récits qui mentionnent cela. قال زياد بن يونس ما رأيت قط عالما ولا عابدا ولا شاطرا ولا واليا أهيب من مالك رحمه الله. Donc un des élèves disait, je n'ai pas vu ni un savant, ni un adorateur, ni un gouverneur qui inspire plus de crainte aux gens que l'imam Malik. وقال سعيد بن أبي مريم ما رأيت أشد هيبة من مالك لقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان. Un autre disait, je n'ai pas vu une personnalité comme celle de Malik qui inspirait plus de crainte que le gouverneur. قال الشافعي ما هبت أحدا قط هيبة مالك بن أنس حين نظرت إليه. الشافعي disait, je n'ai pas ressenti de respect et de crainte comme je l'ai fait pour l'imam Malik quand je l'ai vu. وقيل كان الثوري في مجلسه فلما رأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم أنشد يعبى الجواب فلا يراجع هيبة فالسائلون نواكس الأفقان أدب الوقار وعز السلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. Soufiane al-Thawri, quand il a vu la crainte que les gens et le respect que les gens avaient pour Malik et le respect que Malik avait pour la science, il a dit des vers de poème où il a dit, en gros, c'est un petit peu difficile à traduire, يَعْبَلْ جَوَابَ فَلَا يُرَاجِعُ هِيبَةً. C'est-à-dire que quand il est questionné, on ressent dans sa réponse l'hiba, c'est-à-dire la crainte et le respect de cette personne. Et ceux qui posent la question, نَوَاكِسُ الْأَثْقَانِ, leur cou se plie par respect devant lui. Il a la sérénité et en même temps la puissance d'un gouverneur. Il est celui qu'on craint alors qu'il n'est pas un gouverneur. Donc c'est-à-dire il a le mahiba comme un gouverneur et pourtant c'en est pas un. وقال ابن الحارث كان مالك يجل العلم الذي عنده إجلالا عظيما ويصون نفسه عن جميع الوجوه التي تنقص وإن قلت وكان مهيبا شديدا. Un autre disait, Malik vénérait la science qu'il avait d'une vénération immense et il se protégeait lui-même de tout ce qui peut le rabaisser, même les moindres choses, et il était quelqu'un de craint et mahiban shadidan, il était dur et les gens le craignaient. Dur, c'est dans le sens où, pas dans le sens où il est dur, où il n'a pas de miséricorde, mais dans le sens où sa personnalité dégage la crainte et le respect chez les gens. Sitqu firasatihi. Un autre point de la personnalité de l'imam Malik, c'est Al-Firasa. Al-Firasa, c'est une caractéristique qui est bien connue par la tradition arabe, qui est le fait de deviner les choses par des indices, par des choses subtiles. Donc on va le comprendre tout de suite avec les exemples. كان الشافعي صاحب فراسة فقيل له فيها فقال أخذتها من مالك. L'imam Shafi'i, il avait ce don qui est le firasa. Il était connu pour ça. Il y a beaucoup d'histoires sur l'imam Shafi'i. Et quand on lui a dit, il a dit, je l'ai pris de l'imam Malik. قال أسد بن الفرات لزمت أنا وصاحب لي مالكا فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناهم مودعين له فقلنا له أوصنا. Donc là c'est un cheikh qui raconte, il dit moi et un de mes amis, on est resté avec l'imam Malik pendant un certain temps. Et quand on a voulu partir pour l'Irak, on est venu lui dire adieu et on lui a dit donne-nous un conseil. فالتفت إلى صاحبي وقال أوصيك بالقرآن خيرا والتفت إلي وقال أوصيك بهذه الأمة خيرا. Donc il dit, il a regardé mon compagnon et lui a dit je te recommande le Coran, le bien envers le Coran. Et il m'a regardé et il a dit je te recommande le bien envers cette communauté. فقال أسد فما مات صاحبي حتى أقبل على العبادة والقرآن وَوَوْلِيَا أَسَدٌ الْقَضَى. Il dit mon ami n'est pas mort avant de se tourner vers l'adoration et vers le Coran. C'est-à-dire que l'imam Malik avait deviné que ça allait devenir un abid. Et il dit et moi on m'a placé comme juge. Donc l'imam Malik avait vu chez lui que c'était quelqu'un qu'on allait mettre, il avait les capacités du juge et qu'il allait sûrement devenir juge. C'est pour ça qu'il lui a dit je te recommande le bien envers les gens. Alors qu'à l'autre il a dit je te recommande le bien envers le Coran. C'est ça qu'on appelle al-firasa. C'est pas connaître l'avenir. Celui qui fait ça, il connaît rien de l'avenir. Mais il devine par des signes. Comme on devine que quand il y a des nuages la nuit, il y en aura demain et peut-être qu'il pleuvra, eh ben celui qui a le firasa, il devine dans les visages et dans les situations des choses. قال الشافعي لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكا وسمع كلامي نظر إلي ساعة وكانت له فراسة ثم قال لي ما اسمك قلت محمد قال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. الشافعي il raconte que quand il a été à Médine, il a rencontré Malik, il a parlé avec lui et il dit Malik l'a regardé un moment et il lui a dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Mohammed. Il lui a dit oh Mohammed, crains Allah et écarte-toi des péchés, car c'est une phrase en arabe qui veut dire bientôt tu seras connu, tu seras quelqu'un de grand. Il a dit ça à qui? À Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, un des quatre imams avec l'imam Malik. وقال غيره كانت لمالك فراسة لا تخطئ لا تخطي نظر يوما إلى ثلاثة من أصحابه من أهل إفريقية ابن فروخ وابن غانم والبهلول ابن راشد فقال في ابن غانم هذا قاضي بلده وفي البهلول هذا عابد بلده وفي ابن فروخ هذا فقيه بلده. Un autre il raconte que l'imam Malik une fois il a regardé trois personnes qui étaient parmi ses élèves qui venaient de Ifriqiya. Faut savoir que quand vous lisez dans ce genre de livre Ifriqiya, c'est la région de l'Égypte jusqu'au Maroc et la Mauritanie. Ce n'est pas l'Afrique noire. Et pourquoi ça s'appelle Ifriqiya chez les Arabes? Donc l'Afrique, c'est devenu un mot maintenant qu'on donne pour tout le continent africain. Mais à l'époque, Ifriqiya, c'était en fait à l'ouest de la péninsule arabique, après la mer Rouge, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc où il y avait les Berbères en fait. C'est ça qu'ils appelaient Ifriqiya. Et ils appelaient ça Ifriqiya par rapport à un roi du Yémen qui s'appelait Ifriqi ou Ifriq ou Ifriqiya, je ne sais plus, qui avait conquis à une époque très lointaine ces régions-là, et donc il avait donné son nom à cette région. Donc il dit que l'imam Malik avait trois élèves donc de Ifriqiya, donc de la région des Berbères. Un qui s'appelait Ibn Farrukh, l'autre Ibn Ghanim et l'autre Al-Bahloul Ibn Rashid. Et il a dit à propos d'Ibn Ghanim, ça c'est le juge dans son pays. À l'autre, il a dit ça, c'est l'abid, c'est-à-dire celui qui est connu pour l'ibada dans son pays. Et l'autre, il a dit ça, c'est le faqih de son pays. C'est-à-dire, il a deviné qu'est-ce qu'ils deviendront dans leur pays, à travers leur personnalité, leur visage, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle al-firasa. Un autre point de l'imam Malik, c'est son suivi de la sunna et à quel point il détestait les innovations. Donc il disait souvent « Wa khayru umuri d-dini ma kana sunnatan wa sharru umuri al-muhdathatu al-bada'i'u » Il disait souvent ce poème qui disait « Les meilleures choses dans la religion, c'est ce qui est de la sunna et les mauvaises choses, ce sont les choses qui sont inventées. » « Qala malikun laysa al-jidalu fi d-dini bi shay » Donc l'imam Malik disait « Al-jidal » c'est-à-dire le débat ne fait en rien partie de la religion. « Al-jidal » c'est-à-dire ce qu'ils appelaient « jidal » à l'époque, c'est et ilmul kalam, le fait de, au lieu de se baser sur les preuves religieuses, se baser sur la pensée et les débats et les discussions. Donc il combattait ça et il disait ça n'a rien à voir avec la religion. Donc ça, beaucoup de personnes qui passent à la télé pour parler de l'islam, ils devraient s'en inspirer. Parce qu'on entend ces catastrophes, ils devraient écouter cette parole de l'imam Malik. Wa qala malikun al-mira'u wal-jidalu fil-ilmi yadhhabu binuri ilmi al-qalbi al-abd. Il disait, le débat et la discussion dans la science fait partir la lumière de la science du cœur de la personne. Et il disait, ça durcit le cœur et ça lui met de la crasse. Donc là, c'est la fameuse histoire où Soufiane ibn Uyayna raconte qu'un homme a posé la question à l'imam Malik et il lui a dit, donc le verset qui dit, le miséricordieux s'est établi ou s'est élevé sur son trône. Comment il s'est élevé sur son trône? Il a demandé à l'imam Malik comment. Fasakata malikun maliyan hatta alahu al-rahda wa ma ra'ayna malikan wajada min shay'in wajada min maqalatihi. Il dit, il s'est tué un moment jusqu'à être pris de pris de crainte et pris de sueur. Et ses élèves, ils ont dit, on n'a jamais vu qu'il a réagi de cette façon, comme il a réagi à ce que l'homme venait de dire. وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ مَا يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مِنْهُ غَيْرُ مَعْقُولٌ وَالسُّؤَالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ضَالًّا أَخْرِجُوهُ عَنِّي فَنَادَاهُ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. Donc il lui a répondu cette fameuse réponse qui est une règle chez Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a. Il lui a dit al-istiwa ma'loum. Al-istiwa, c'est-à-dire l'acte dont Allah s'est qualifié quand il a dit istawa, il s'est élevé sur le trône. Il dit ça c'est connu, c'est-à-dire on sait ce que ça veut dire. Mais le comment venant d'Allah n'est pas atteignable par la raison. C'est-à-dire la raison humaine, elle ne peut pas connaître comment Allah s'est élevé sur son trône. Et le fait de poser la question à ce sujet est une innovation, et le fait d'y croire est obligatoire. Et je pense que tu es un égaré, alors sortez-le de la mosquée. Et l'homme, quand on le sortait de la mosquée, il a crié, il a dit « Oh Abu Abdillah, par Allah, il n'y a de Dieu que lui. J'ai posé cette question aux gens de l'Basra, de l'Koufa et de l'Irak, et je n'ai trouvé personne qui m'a donné une réponse aussi bonne que la tienne. À qui Allah a facilité la réponse qu'il t'a facilité à toi. Ibadatu Malik. Donc l'adoration, comment était l'adoration de l'imam Malik? Qala al-Mughira, kharajtu laylatan ba'da an haja'a an-nasu haja'atan, famaratu bi Malik ibn Anas. فإذا به قائم يصلي فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ بي ألهاكم التكاثر حتى بلغ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فبكى بكاء طويلا وجعل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر فلما تبين له ركع فصرت إلى منزلي فتوضأت ثم أتيت المسجد فإذا به في مجلسه والناس حوله فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهي قد علاه نور حسن. Donc là c'est juste un exemple d'Al-Mughira qui raconte qu'une nuit il est sorti et il est passé à côté de l'imam Malik. Peut-être il veut dire à côté de chez lui, parce qu'à l'époque comme elles étaient faites les maisons, quand quelqu'un y récite ou y parle, on peut l'entendre. Il dit, et j'ai trouvé qu'il était debout en train de prier. après avoir lu le Fatiha, il a récité Al-Hakumut Takafir. Et il est arrivé au dernier verset qui dit Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. C'est-à-dire, ensuite, vous serez questionné ce jour-là sur les délices, c'est-à-dire sur les bienfaits que vous avez reçus. Et il a commencé à pleurer longuement. Et il répétait ce verset. Et il a pleuré jusqu'à ce que se lève le Fajr. Et quand il s'est aperçu que c'était le Fajr, il s'est raka'a, c'est-à-dire il a fini sa prière. Il dit, moi je suis retourné chez moi, j'ai fait les ablutions, je suis revenu à la mosquée. Et quand je suis revenu, je l'ai vu le matin avec les gens autour de lui. Et j'ai vu sur son visage une lumière. C'est-à-dire il était munawwar par le fait de prier la nuit. قال أبو مصعب كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شيء فلما ضرب قيل له لو خففت في هذا قليلا فقال ما ينبغي لأحد أن يعمل عملا إلا حسنه والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أبو مصعب الزهري عند رابورتور دو موطا دي Malik, rahimahullah, il faisait un long recours et une longue prosternation quand il priait son wird, c'est-à-dire sa partie quotidienne de prière. Et quand il était dans la prière, on aurait dit un bout de bois sec et rien de lui ne bougeait. Et après qu'on l'ait frappé, c'est-à-dire ce qu'on a lu tout à l'heure, les gens lui ont dit « Pourquoi tu n'allèges pas un peu cette prière ?» hein? C'est-à-dire « C'est dur pour toi, fais-en un peu moins. » Et il lui a dit, il ne convient pas à quelqu'un qui fait une œuvre de la faire sans yani bidoun an yuhsinahu ou yuhassinahu. Et il dit, quand quelqu'un fait une action, il doit la parfaire. Et Allah Azza wa Jalla a dit, pour vous éprouver afin de voir qui d'entre vous fait la meilleure action. Donc il dit, moi je ne descends pas de ce que je fais. Parce que quand on fait un acte, il faut la faire de la meilleure des façons. Wa qala ibn al-Mubarak, ra'aytu malikan, fa ra'aytuhu min al-khashi'in. وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه. عبد الله بن المبارك، donc il était un grand imam, un grand ascète, un grand mujahid, un grand alim, un grand faqih, un grand muhaddith et un grand abid. Il disait, j'ai vu l'imam Malik et je l'ai vu parmi al-khashi'in, parmi ceux qui ont la crainte d'Allah. Et je pense qu'Allah l'a élevé à cause de quelque chose qu'il y avait entre lui et Allah, des choses cachées, c'est-à-dire des adorations qui étaient entre lui et Allah, pas à cause de ce qui apparaissait aux gens. Un autre point, c'est al-wara, c'est-à-dire l'abstention de l'imam Malik. قال بعضهم رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير فقيل له في ذلك فقال وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا Donc certains élèves ont dit, j'ai vu l'imam Malik qui était quelqu'un de silencieux. Il ne parle pas et il ne regarde ni à droite ni à gauche. Sauf si quelqu'un lui parlait, il écoutait ce qu'il avait à dire et il lui répondait avec peu de mots. Et quand on lui a dit pourquoi il faisait ça, il a dit, qu'est-ce qui renverse les gens dans l'enfer si ce n'est ça? Qui c'est qui a dit ça déjà avant lui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans l'introduction, je vous ai dit qu'on lit la vie des savants. Parce qu'on voit à travers leur vie les hadiths appliqués. Non seulement ils les mentionnent, mais en plus ils les appliquent. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبَذُ لِسَانَهُ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدِ فَإِذَا قَالَ هُوَ فَكَيْفَ بِنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. Et l'imam Malik, il a dit après, dans le même instant, il a dit, il m'est parvenu qu'un homme est rentré chez Abu Bakr et il était en train de tenir sa langue et il disait, c'est ça qui m'a fait courir à ma perte. Awradani al-mawarid. L'expression, elle veut dire, c'est ça qui a fait qu'à certains moments, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et il a dit, donc si lui le dit, qu'en est-il de nous? Et on espère seulement qu'Allah nous enveloppe par sa miséricorde. Donc l'imam Malik, il a répondu ça. Quand on lui a dit, pourquoi tu parles peu et tu ne parles pas beaucoup? Un autre point de la vie de l'imam Malik, on va voir en fait après, je ne sais pas si on va arriver jusque là, à quel point l'imam Malik il était sahibu muru'a. Al-muru'a, dans l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est le caractère qui fait qu'une personne, elle respecte la politesse. C'est pas seulement qu'elle respecte ce qui est écrit dans les hadiths, mais elle se comporte bien selon la politesse qui est connue dans sa société à son époque. Par exemple, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il est déconseillé de sortir la tête découverte. Il n'y a rien qui dit ça dans l'islam. C'est ni déconseillé, ni interdit. Mais ça, c'est le muru'a. Surtout à leur époque, et dans les pays arabes, au moins avant, on va dire, maintenant Allah a'lam, mais au moins avant, et c'est vrai jusqu'à présent dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite ou le Yémen, c'est-à-dire ça ne se fait pas de sortir la tête découverte. On appelle ça le muru'a. Ou alors la façon de se tenir, le fait de ne pas trop rire. Tout ça, ce n'est pas des choses qui sont interdites dans l'islam, mais ça fait partie du perfectionnement du comportement. Al-muru'a. Al-muru'a, c'est le même racine que le mar. Al-mar qui veut dire l'homme. Donc on peut traduire par en fait la virilité. Même si ça ne donne pas vraiment le sens, c'est le comportement, la politesse, la virilité, c'est tout ça. C'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Et l'imam Malik, il avait atteint l'extrême dans al-muru'a. C'est pour ça qu'il parlait peu, il riait peu, il mangeait pas devant les gens, il buvait pas devant les gens. Donc encore une fois, je répète que ça, c'est pas des choses qui sont interdites. Mais c'était pour parfaire encore plus son comportement. Hikamuhu wa duraru kalamihi. Un autre point dans la biographie de l'imam Malik, c'est ses sagesses et quelques perles de ses paroles. Qala Malikun innama at-tawadu'u fi ad-din wa at-tuqa. Donc là, on va voir quelques courtes paroles de l'imam Malik qui comporte beaucoup de sagesse. Il disait la modestie est dans la religion et la piété. Et il disait la modestie c'est le fait de délaisser l'ostentation et la réputation. Il disait aussi le pire de la science c'est ce qui est étrange et le meilleur de la science c'est ce qui est apparent et que les gens ont rapporté, c'est-à-dire ce qui est connu. وقال الزهد في الدين طيب طيب المكسب وقصر الأمل. Il disait aussi l'ascétisme, الزهد dans la religion, c'est le fait d'avoir des biens qui sont licites, طيب المكسب, c'est-à-dire que ce que tu acquis, tu l'acquies et il soit طيب, il soit licite. وقصر الأمل, et que tes espoirs soient courts, c'est-à-dire que tu ne comptes pas trop sur l'avenir. وقال الدنيا صحة البدن وطيب النفس من النعيم. Et il disait la vie d'ici-bas c'est la santé du corps et le fait d'être طيب النفس, c'est-à-dire d'être heureux, ça fait partie des délices, des bienfaits. وقال التواضع في التقى والدين وليس في اللباس. Et il disait aussi la modestie c'est dans la piété et la religion, pas dans les vêtements. Surtout venant de lui l'imam Malik, parce qu'il était connu par rapport aux autres savants et aux autres étudiants pour mettre des beaux vêtements. Et il ne se privait pas à ce niveau-là. Et quand certains lui disaient, il disait قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Il répondait le verset qui dit « Dis, qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs ?» Donc il ne se privait pas et il disait « La modestie, elle n'est pas dans le fait de mettre des mauvais vêtements. Elle est dans la piété. » وقال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب. Il disait aussi la science c'est pas le fait de rapporter beaucoup de hadiths. La science c'est une lumière qu'Allah pose dans les cœurs. وقال العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. Il disait aussi la science c'est une lumière qui ne se sent bien que dans un cœur pieux et craintif. وقال من إذلال العلم أن تجيب كل من سألك. Il dit aussi, il fait partie du fait de rabaisser la science que tu répondes à toute personne qui te pose la question. وقال الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. Et il disait, la sagesse, c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur de la personne. وقال تعلم العلم قبل العمل. Il disait aussi, apprenez la science avant d'agir, avant l'action. Comme on avait vu plusieurs fois dans les khutab, on le mentionne à chaque fois, que la science précède l'action. وقال لبعض بني أخيه إذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك أثره وليرى فيك سمته وتعلم لذلك العلم الذي تعلمته السكينة والحلم والوقار. Il a dit à un de ses neveux, lorsque tu apprends une science dans qui fait partie de l'obéissance d'Allah, il faut que sa trace se voit sur toi. Et apprends pour cette science que tu apprends la sérénité, la douceur et le waqar, c'est-à-dire le fait d'être calme. وَقَالَ حَقًّا عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَنْ مَضَى وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجِلُّ أَنفُسَهُمْ مِنَ الْمِزَاحِ وَبِخَصَّةٍ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهِ. Il disait, c'est un devoir à celui qui recherche la science d'être serein et craintif, et qu'il suive les traces de ceux qui sont passés avant lui. Et il convient aux gens de science de se mettre au-dessus de la plaisanterie, surtout lorsqu'il mentionne Allah. وَقَالَ أَدَبُ اللَّهِ الْقُرْآنِ وَأَدَبُ رَسُولِهِ السُنَّةِ وَأَدَبُ الصَّالِحِينَ الْفِقْهِ. Il disait, la politesse d'Allah, c'est le Coran, et la politesse du messager, c'est la sunna, et la politesse des pieux, c'est le fiqh. وقال سفيان دخلت على مالك فقلت له إن العلم كثير فقال العلم شجرة أصلها بمكة وأغصانها بالمدينة وأوراقها بالعراق وثمراتها بخراسان. سفيان disait, je suis rentré chez Malik et je lui ai dit, la science, il y a beaucoup de choses dans la science. Et il lui a dit, la science c'est un arbre, son tronc il est à la Mecque, ses branches elles sont à Médine, ses feuilles elles sont en Irak, et ses fruits y sont à Khorasan, c'est-à-dire vers l'Iran. Et il a bien vu l'imam Malik, puisque la plupart des auteurs des six livres venaient d'où ? Qui sont venus plus quelques générations après ? De Khorasan. وَقَالَ مِنْ أَدَبِ الْعَالِمِ أَنْ لَا يَضْحَكَ إِلَّا تَبَسْتُمًا. Il disait aussi, il fait partie de la politesse d'un savant, qu'il ne rit qu'en souriant. وَقَالَ كَفْرَةُ الْكَلَامِ تَمُجُّ الْعِلْمَ وَتُذِلُّهُ وَتَنْقُسُهُ. Et il disait, le fait de parler beaucoup, ça réduit la science et ça la rabaisse. وَقَالَ النَّاسُ فِي الْعِلْمِ أَرْبَعَ رَجُلٌ عَلِمَ فَعَمِلَ بِهِ فَمِثْلُهُ فَمَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Il disait, les hommes sont en quatre catégories. Un homme qui a appris et qui a agi, conformément à ce qu'il sait. Son exemple est dans le livre d'Allah, quand il a dit, seuls les savants parmi les serviteurs d'Allah craignent Allah. وَرَجُلٌ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ. À mon avis, c'est plutôt عَمِلَ بِهِ. فَمَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Le deuxième exemple, c'est un homme qui a su mais qui n'a pas agi. Son exemple, c'est dans le livre d'Allah, ceux qui cachent ce que nous avons descendu comme preuve et comme guidé. وَرَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا وَعَلَّمَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ. Donc voilà, le deuxième, c'est celui qui a su, mais il ne l'a pas enseigné. Le troisième, il a su, il l'a enseigné, mais il n'agit pas selon cette science. فَمَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ. Son exemple à lui, c'est l'exemple des bestiaux qui est cité dans le Coran. Donc on va s'arrêter là pour ce qui concerne les sagesses, puisqu'il y en a encore beaucoup. Aqidatuhu. Donc là, c'est quelques points en ce qui concerne ou plutôt mawqifuhu min al-bida'i wal-mubtadi'a. La position qu'avait l'imam Malik envers les gens de l'innovation à son époque. Qala Malikun qubida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad tamma hadha al-amru wastakmal. فينبغي أن تتبع أو أن تتبع آثار رسول الله وأصحابه ولا يتبع الرأي فإنه من من اتبع الرأي جاءه رجل أقوى في الرأي منه فاتبعه فكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد بعد لم يتم. L'imam Malik disait, le prophète صلى الله عليه وسلم est mort et cette affaire, c'est-à-dire cette religion, a été complétée. Donc il convient de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles de ses compagnons et de ne pas suivre la pensée, c'est-à-dire les avis. Il dit, car celui qui suit la pensée, il lui viendra quelqu'un qui pense mieux que lui, et alors il va le suivre. Et à chaque fois que quelqu'un viendra le vaincre et penser dans le débat penser mieux que lui, et le battre dans ses arguments, il le suivra. Et ça, ça ne finit jamais. وقال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين Il disait aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gouverneurs après lui ont instauré des traditions, sunan. Le fait de les suivre, c'est suivre le livre d'Allah et c'est compléter l'obéissance à Allah. Et c'est une force dans la religion d'Allah. Et personne n'a le droit de les changer. Et personne n'a le droit de regarder et de chercher dans ce qui contredit ces traditions. Celui qui se guide par ses traditions est bien guidé, et celui qui demande le secours en suivant ses traditions sera secouru. Et celui qui le délaisse et suit un autre chemin que celui des croyants, Allah se détournera de lui comme il s'est détourné, et il le jettera en enfer, et quelle mauvaise demeure. وفيه عن الشافعي قال كان مالك إذا جاء بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وَأَمَّا أَنْتَ فَشَاكٌ اِذْهَبْ إِلَى شَكٍ مِثْلِكَ فَخَاصِمُهُ. Al-Shafi'i rapporte que l'imam Malik, quand quelqu'un parmi les gens des passions et de l'innovation venait le voir, il lui disait: moi, je suis sur une preuve dans ma religion, c'est-à-dire je suis sur la clarté, alors que toi, tu es quelqu'un qui doute. Alors va quelqu'un vers quelqu'un qui doute comme toi et débat avec lui. Bon, il y a beaucoup d'autres points. Un autre point aussi que je voulais citer, c'est l'opinion de l'imam Malik et sa position vis-à-vis de Shia, c'est-à-dire les chiites. Pourquoi? Parce que la da'wa des Shia, elle est présente, et elle touche même certaines personnes au Maghreb. Et les gens au Maghreb, ils aiment de façon naturelle l'imam Malik, et ils ont confiance en l'imam Malik. Donc s'ils savent ce que l'imam Malik pense des Shia, c'est-à-dire ça les amènera à se détourner des Shia. Donc il dit ici: جاء في الصارم المسلول وقال مالك رضي الله عنه إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء فلو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. Regardez la vision lointaine qu'avait l'imam Malik, rahimahullah. Et en vérité, ce qu'il dit là, celui qui étudie le chiisme, Shia, à travers les siècles, il le voit concrétisé dans les siècles qui ont suivi l'imam Malik. L'imam Malik, il disait à propos des chiites, il disait: ça, ce sont des gens qui ont voulu critiquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme ils ne peuvent pas, ils ont critiqué ses compagnons. Pour qu'on dise du prophète, c'est un mauvais homme. Parce que s'il avait été bien, ses compagnons, ils auraient été bien. Donc ça, c'est la base de la da'wa des chiites, c'est pas l'islam. Ça vient des Perses, ça vient des Juifs, ça vient d'un but qui est destructeur, qui se veut de détruire l'islam à sa source. Mais comme à l'époque, on ne pouvait pas attaquer l'islam de façon idéologique directement en vivant en terre musulmane, on le faisait en faisant des innovations et des shubuhat. Donc parmi ces innovations, l'invention de ce courant qui est Shia, et qui est basé sur le fait de détester les compagnons du prophète, à tel point que ils maudissent Abu Bakr, ils maudissent Omar, ils maudissent Uthman, ils maudissent tous les compagnons du prophète, ils insultent Aïcha. Et sachez que les Shia que vous voyez à la télé, que vous voyez à la parabole, que vous voyez secourir la Palestine, c'est les premiers à insulter Abu Bakr, à insulter Omar, à insulter Aïcha et dire que c'est une zaniya. Donc avant de dire qu'on les aime, qu'on est avec eux, c'est eux les hommes, etc., pensez si seulement ils insultaient ta mère. Est-ce que tu serais derrière eux? Là, c'est pas ta mère qu'ils insultent, c'est la mère de tous les musulmans, qui est Aïcha. Et c'est Abu Bakr et Omar. et tous les compagnons du prophète, à part pour eux Ali et Ammar et le Miqdad et Abu Dhar et Salman. À part tout ça, pour eux c'est tous des koufars. Donc ça vient d'un but qui cherche à détruire l'islam dans son cœur. Parce que si tu dis d'un homme qui a élevé tous ces gens et tu lui dis que tous ces gens ils sont pourris, c'est qu'à la fin tu veux dire, tu veux insinuer que c'est lui à la base qui était pourri. C'est ça qu'il a voulu dire l'imam Malik. Donc en deux mots, l'imam Malik il a résumé toute l'histoire et tout le but des Shia. وجاء فيه قال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومن سب أصحابه أدب. Il a dit aussi, celui qui insulte le prophète صلى الله عليه وسلم doit être tué, et celui qui insulte ses compagnons doit être corrigé, c'est-à-dire il doit être puni. وقال عبد الملك بن حبيب من غلا من الشيعة في بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. Et il a dit aussi, celui qui exagère parmi les chiites en détestant Othman et en se désavouant de Othman doit être puni d'une punition dure. Et celui qui va jusqu'à détester Omar et Othman et Abu Bakr et Omar, sa punition doit être encore plus dure et il doit être frappé et frappé et frappé. Et on doit l'emprisonner jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est l'opinion de l'imam Malik sur Shia. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on va juste dire au moins la date dans laquelle il est mort, l'imam Malik. Donc, il est tombé malade pendant 22 jours. Et il est mort un dimanche pendant le mois de Rabi al-Awwal en l'an 179. Donc, on voit qu'il a vécu 80 ans. Même plus de 80 ans, l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il est mort, comme il dit un de ses élèves, à l'âge de 87 ans. Donc normalement, dans la vie de l'imam Malik, on doit aussi voir, c'est-à-dire ici ça continue, comment il s'habillait, à quoi il ressemblait. Donc on voit ici que c'était quelqu'un de grand et de costaud, et qui était fort blanc, avec une grande barbe jusqu'à la poitrine, blanche et les cheveux blancs, et il utilisait peu le hanna. Et il ne rasait jamais sa moustache, car il trouvait qu'il interdisait le rasage de la moustache, et il l'a laissé, il l'a coupé et il laissait les bouts. Et il était connu pour s'habiller souvent en blanc et avec des vêtements de qualité. Et il portait toujours l'imam, c'est-à-dire il portait toujours le turban. Il avait plusieurs enfants, dont une fille, ça c'est remarquable, qui connaissait le Muwatta. Et elle avait une nousra, elle avait un exemplaire du Muwatta. Et il est même arrivé qu'elle a déjà corrigé celui qui lit le Muwatta pendant l'assise, avec les élèves de l'imam Malik. Donc de derrière le hijab, elle a corrigé celui qui lisait le Muwatta. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Donc j'espère que ça a été bénéfique. Wa nas'alullah azza wa jal an yaj'alana min al-muwaffaqin wa min al-muwahidin ومن أهل السنة والجماعة ومن من يتبع الإمام مالكا حق الاتباع في دينه وتقاه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه